Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvet Barin, chapitre 10. Comment il prédit à ses six compagnons tout ce qui devait leur arriver quand ils iraient par le monde et comment il les exhorta à la patience. Le bienheureux François, déjà rempli de la grâce du Saint-Esprit, convoqua les six frères et leur prédit ce qui devait arriver. Considérons, dit-il, frères très chers, la vocation à laquelle Dieu nous a appelés, non seulement pour notre salut, mais pour celui de beaucoup, afin que nous allions par le monde, exhortant les hommes par notre exemple plus que par nos paroles à faire pénitence de leurs péchés et à se souvenir des commandements de Dieu. Ne craignez point, quoique vous soyez faibles et ignorants, mais annoncez simplement la pénitence, confiant en Dieu qui a vaincu le monde, car son esprit parlera en vous et par votre bouche, et exhortera tous les hommes à se convertir et à garder ses commandements. Vous trouverez quelques hommes fidèles, doux et bienveillants, qui vous accueilleront avec joie et écouteront vos paroles. Vous en trouverez d'autres, en bien plus grand nombre, qui sont infidèles et orgueilleux. Ils vous recevront avec des blasphèmes, et ils résisteront à vous et à ce que vous leur direz. Prenez donc en vos cœurs la résolution de tout supporter avec patience et humilité. En l'écoutant, les frères se mirent à avoir peur. Mais le saint ajouta, « Ne craignez rien, car, au bout de peu de temps, beaucoup d'hommes viendront à vous, des nobles et des savants, et iront avec vous prêcher les rois, les princes et les peuples, et beaucoup se convertiront à Dieu, qui multipliera et augmentera sa famille dans le monde entier. » Quand il leur eut dit ces choses et qu'il les eut bénis, ils s'en allèrent pieusement, obéissant à ses conseils. Lorsqu'il rencontra une église ou une croix, il s'inclinait pour adorer et disait dévotement, « Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons pour toutes les églises qui sont dans le monde entier, car, par ta croix sainte, tu as racheté le monde. » En effet, chaque fois qu'il trouvait une église ou une croix, il croyait trouver un endroit où Dieu était présent. Tous ceux qui les voyaient s'étonnaient, car ils ne ressemblaient à personne par le vêtement et par le genre de vie, et paraissaient presque des hommes sauvages. Partout où ils entraient, ville ou château, maison ou ferme, ils annonçaient la paix, avertissant chacun d'aimer et de craindre le Créateur du ciel et de la terre et de garder ses commandements. Quelques-uns les écoutaient avec plaisir, la plupart les tourmentaient de questions et leur disaient « D'où êtes-vous ? » D'autres leur demandaient à quel ordre ils appartenaient. Quoiqu'il fût fatigant de répondre à tant de questions, ils avouaient cependant avec simplicité qu'ils étaient des pénitents originaires de la ville d'Assise, car leur société ne s'appelait pas encore un ordre religieux. Souvent on les prenait pour des fripons ou pour des fous, et on ne voulait pas les recevoir de peur qu'ils n'emportassent des choses furtivement, comme des voleurs. Aussi, en plusieurs endroits, il leur fallut, après avoir subi beaucoup d'injures, passer la nuit sous le porche des églises ou des maisons. En ce temps-là, deux d'entre eux se trouvaient à Florence, mendiant par la ville et ne pouvant trouver d'asile. En arrivant à une maison où il y avait un porche et sous ce porche un four, ils se dirent l'un à l'autre, « Nous pourrons coucher ici. » Ils demandèrent à la maîtresse de la maison de les recevoir chez elle, et comme elle refusait, ils la prièrent humblement de leur permettre du moins de se reposer la nuit près du four. Elle y consentit, mais son mari, survenant, lui demanda, « Pourquoi as-tu donné asile à ces ribauds sous notre porche ?» Elle répondit qu'elle n'avait pas voulu les recevoir dans la maison, mais qu'elle leur avait permis de dormir sous le porche, où ils ne pourraient rien dérober, sinon un peu de bois. Le mari ne voulut pas qu'on leur donnât aucune couverture, bien qu'il fît grand froid, car ils croyaient que c'était des ribauds et des voleurs. Cette nuit-là, ils ne dormirent que d'un sommeil assez léger, n'ayant pour se réchauffer que la chaleur de leur piété, et pour se couvrir que les vêtements de Madame la Pauvreté, et le matin ils allèrent à l'église la plus proche pour entendre l'office. Au matin, la maîtresse de la maison se rendit à la même église, et voyant ses deux frères continuer leurs pieuses oraisons, elle se dit, « Si ces hommes étaient des ribauds et des voleurs, ils ne resteraient pas ainsi à prier dévotement. » Pendant qu'elle réfléchissait à cela, un homme nommé Guido faisait l'aumône dans l'église même à quelques pauvres qui s'y tenaient. Arrivé devant les deux frères, il voulut leur donner quelque argent comme aux autres, mais ils refusèrent et ne voulurent pas accepter cet argent. Mais il leur dit, « Pourquoi, puisque vous êtes pauvres, n'acceptez-vous pas cet argent, comme font les autres ?» Et le frère Bernard répondit, « Il est vrai que nous sommes très pauvres, mais cette pauvreté ne nous est pas à charge, car c'est volontairement que nous nous sommes faits pauvres par la grâce de Dieu, dont nous avons accompli la volonté. » L'homme, étonné, leur demanda s'ils avaient jamais possédé quelque chose, et apprit d'eux qu'ils avaient possédé de grands biens, mais qu'ils avaient tout donné pour l'amour de Dieu. En effet, celui qui répondit ainsi était Bernard, qui fut le second frère après le bienheureux François et que nous tenons aujourd'hui pour un très saint frère. Embrassant le premier la mission de paix et de pénitence, il avait suivi l'homme de Dieu, vendu tout ce qu'il possédait, et distribué le prix aux pauvres, et il persévéra jusqu'au bout dans la sainte pureté, suivant les règles de la perfection évangélique. La femme, entendant ces paroles et considérant que les frères n'avaient pas voulu accepter d'argent, s'approcha d'eux et leur dit qu'elle les recevrait volontiers dans sa maison, s'ils voulaient entrer comme hôtes. Les frères répondirent humblement, « Que Dieu te récompense pour ta bonne volonté !» Et le mari, apprenant qu'il n'avait pu trouver d'asile, les amena en sa maison, disant, « Voici l'asile que Dieu vous a préparé, demeurez-y selon votre bon plaisir. » Rendant grâce à Dieu, ils restèrent chez lui quelques jours, l'entretenant dans la crainte de Dieu par leur exemple et leurs paroles, de sorte qu'ensuite il donna beaucoup aux pauvres. Mais tandis qu'ils étaient là si bien traités, ailleurs on avait pour autant de mépris, que petits et grands les accablaient de reproches et d'injures et quelquefois leur enlevaient les vêtements qu'ils portaient. Ainsi les serviteurs de Dieu demeuraient nus, car, suivant le précepte de l'Évangile, ils n'avaient qu'une seule tunique, ils ne réclamaient pas les vêtements qu'on leur avait ôtés, mais si quelques-uns, touchés de pitié, voulaient bien les leur rendre, ils les reprenaient avec plaisir. Certains leur jetaient de la boue, d'autres leur mettaient des dés dans la main et les invitaient à jouer, d'autres encore les saisissant par derrière par leur capuchon, les jetaient sur leurs épaules et les portaient ainsi suspendus. On les considérait comme si vils qu'on leur faisait ces méchancetés et d'autres semblables, et qu'on croyait pouvoir les tourmenter comme on voulait. En outre, la faim, la soif, le froid, la nudité leur infligeaient de grandes souffrances et tribulations. Ils supportaient tout cela patiemment et avec constance, ainsi que le bienheureux François le leur avait recommandé, ils ne s'attristaient pas, ils ne se troublaient pas, ils ne maudissaient pas ceux qui leur faisaient du mal, mais, en hommes parfaits et évangéliques, ils se réjouissaient au Seigneur, acceptant comme des joies les tribulations et les tentations, et, selon le précepte de l'Évangile, ils priaient pour leurs persécuteurs avec sollicitude et avec ferveur. Mark M. Dan, archive.org d'après la numérisation de l'Université de Toronto. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.